Comprendre des opinions dans une conversation. Exercice 2. Bonjour Paul, comment allez-vous ? Bonjour Henri, bien, je vous remercie. Henri, j'ai demandé ce rendez-vous téléphonique, car j'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable, et je pense que ce n'est pas un bon produit. Il me semble que nous faisons une erreur commerciale. Mais non, pas du tout, au contraire. Il est tout à fait adapté aux jeunes, notre clientèle habituelle. Il a de nombreuses fonctions très modernes, il prend des photos, même de petites vidéos, et il a aussi un agenda incorporé. Je suis sûr que les clients vont l'adorer. Non, je ne crois pas. Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché. Il n'a pas d'accès Internet, par exemple, et pas de possibilité d'enregistrer de la musique. De plus, il est grand et pas très joli. Il ne plaira pas aux femmes. Je ne suis pas d'accord. Tous les sondages montrent que les clientes préfèrent des produits solides, avec des touches assez grandes. Le joli téléphone petit comme un jouet n'est plus à la mode. Ne vous inquiétez pas, Paul. Tout ira bien. Je pense que nous devons lancer la fabrication de ce produit rapidement et préparer la campagne publicitaire. Vous serez surpris des résultats de nos ventes.